Ah bah lançons le jingle. Ah oui. C'est la promo des copains. Ah oui, la promo des copains. Ah, bah oui, parce qu'on a plein de copains. Bah, il y en a trois. Voilà. Exactement. Plein de copains qui sont venus faire l'émission et qui continuent à jouer partout. Voilà. Et puis dès qu'il y a une actu, une nouvelle actu, bah, bien sûr, on la met sur la page Facebook, mais aussi on vous donne les infos sur l'antenne. Et il y a notre copain José Cruz tous les samedis. Ce qu'il faut dire quand même, que José Cruz a rempli le théâtre dans lequel il était pendant plusieurs mois, pendant 7 mois, 8 mois. Et donc, et donc là, il passe dans une salle plus grande. Tu vois que j'ai bon goût. Et alors, c'est le samedi soir à 21h, GG, au théâtre L'Instant Théâtre dans le 1er arrondissement, rue du Beaujolais. Bien, très beau théâtre. Ah, rue du Beaujolais, c'est bien. Voilà. Il y avait une boîte de goudou il y a très longtemps. Et voilà. Oui. Et avant, ça s'appelait César. C'était un truc de vieille folle espagnole. C'était drôle. Bon, bah, il va être content. Je parle de ça. On appelle ça la promo des copains. Les gens de moins de 20 ans ne peuvent quoi pas. Mais José, il est portugais. Oui, on appelle ça la promo des copains. Alors. C'est bien, c'est un bon quartier. Bon, on peut quand même parler de José Cruz ou pas? Oui, il y a la. À part ça, t'avais des infos à donner spéciales ou pas? Il va bien. Il vous embrasse. Oui. Il est très content. Il m'a fait peur. Il est très content qu'on lui fasse sa pub. Voilà. Et voilà. Et ben, il nous a laissé un petit message. Ah bah tiens. Alors justement, il y a la très très grande voyante Mirka. Mirka, la voyante extra lucide, vous connaissez? Ah oui, oui. Donc elle a une très grande clientèle. Et puis il y a un bonhomme qui vient la voir et qui lui dit, qui lui demande, voilà, je voudrais savoir un peu ce que vous pouvez me dire sur moi. Et elle lui dit, oh oh, par Belgébuth. Oh, par Belgébuth. Scorpion. Vierge. Sagittaire. Gémeaux. J'étais sûr. Ça y est, je suis chaude. Alors, je vois. Ouh, que tu as 2 enfants. Bah, n'importe quoi, madame. Moi, j'ai 3 gamins. Ça, c'est ce que tu crois. Allez, métro Palais Royal, musée du Louvre, tous les samedis soirs à 21h, José Cruz, on l'embrasse.